Voici 16h42. J'attends toujours. Je t'en prie, viens pour nous deux. Je te ferai la cour. Cette nuit, j'ai fait des vœux dans du velours. La vie, oui, j'en reveux, même si c'est lourd. Je l'ai regardé, plus dans ses pensées. Elle m'a fait toucher. J'ai fui de nombreux jours, je m'en fous, c'est mieux. Fini, c'est elle que je veux dans mon parcours. Je l'ai regardée, plus dans ses pensées, m'a fait couler. Je sais pas nager. Même si c'est contagieux, ça vaut le détour.